Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional au microphone de Danny Veilleux. Ben, la nouvelle de la fin de semaine, c'est William Veilleux de Tolbeau-Mississigny. William Veilleux qui a remporté le championnat du monde de dynamophilie qui s'est déroulé à Minsk en Biélorussie. L'athlète de Tolbeau-Mississigny a remporté 2 médailles d'or et 1 médaille de bronze. Veilleux était à sa dernière chance de remporter le titre et livrait une très chaude lutte à l'Américain James English dans la catégorie des 74 kg. Le Dolmissois a levé d'abord une charge de 217,5 kg à une flexion des jambes. Au Bench Express, William Veilleux a levé 130 kg, soit 2 kg de plus que son ancien record. Et au soulevé de terre, ben, c'est là que William Veilleux a battu le record du monde. Il a levé 258 kg. L'ancien record était de 256 kg. Surveillez la section entrevue de danradiosport.com. On devrait lui parler au courant de la semaine. Au football, maintenant, Alexandre Gagnon a été retranché par les Stampeders de Calgary lors de la dernière période de coupure qui s'est fait vendredi. Gagnon va jouer une dernière année avec l'Université de Sherbrooke. Shane Gauthier, lui, a été confirmé avec les Bombers de Winnipeg. Au soccer, il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, dans la U14, le Chinook a gagné 6-1 sur Tolbeau-Mississigny. Dans le féminin U14, triomphe du FC de Saint-Félicien 3-2 sur le Chinook. Dans le masculin U12, le Chinook a gagné 4-2 sur le FC de Saint-Félicien. Également, à noter que dans la U14, masculin gagne de Saint-Félicien 6-0 sur Saint-Ambroise. Et senior 2, division femmes, Saint-Prime a perdu 4-1 contre Chipchat. Et toujours en senior division 2, Saint-Félicien a perdu 6-2 contre le Boréal d'Alma. Les voyageurs de Ville-Saguenay au baseball ont perdu 8-2 contre les Diamants de Québec et deux autres défaites samedi de 10-2 et 8-6 contre Saint-Eustache. Le sport local et régional à danradiosport.com.